actuel animé par Sophie Houle-Drapeau et Jean-Pierre Guy. Au menu, problématiques et trucs pratico-pratiques. Le 8e continent, les jeudis 9h à CKRL. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de CKRL 89.1, bienvenue à l'antenne de cette belle radio et de notre émission La Fausse Patte. À nouveau, je suis encore et toujours accompagné de ma comparse Catherine Dorion. Catherine, comment vas-tu? Ça va très bien. Comment ça va, toi, Christian? Je vais très bien. Écoute, en cette formidable journée automnale, plein soleil, pleine chaleur également, ça fait du bien. C'est pas si pire, la température au Québec. Oui, pour l'instant, là, on est gâtés quand même là, pour l'automne. Bon, alors, ça sera assez pour la météo dans cette émission. On a un programme extrêmement chargé aujourd'hui, plusieurs invités. Ça brasse beaucoup au niveau politique et social dans notre belle ville, notre belle région et notre belle planète ces temps-ci. Donc, on est là pour vous en parler, pour décortiquer, démystifier certaines choses. Petit retour sur la semaine dernière, Catherine, on a reçu David Lemelin, qui est auteur de l'œuvre Régis Labeaume, La dictature amicale. Oui. Et c'est intéressant parce que dans les journaux, entre autres dans Le Soleil d'hier, est sorti une dépêche comme quoi le maire s'est coltaillé un peu avec l'Ordre des architectes du Québec et l'Association des architectes en pratique privée sur justement le processus de construction de l'amphithéâtre et de l'entente avec Québecor. Pour faire une histoire très courte, on a parlé la semaine dernière du ton autoritaire dont pouvait faire preuve notre cher ami Régis Labeaume. Et les architectes ont émis des réserves par rapport à l'éthique autour du processus entourant la construction de cet amphithéâtre. Et ils ont peur que les délais très courts qui ont été donnés, parce que Régis Labeaume a promis aux citoyens de Québec et à Québécois que ça serait livré pour le 2015 plutôt. Oui. Donc, l'automne 2015, ma mémoire est bonne. Donc, les architectes trouvent que c'est un peu trop court comme délai. Et Régis Labeaume a décidé, notre bon maire, et là, j'avouerai que je suis presque d'accord avec lui, c'est qu'il a dit que s'il y a des dépassements de coûts et de délais, il y aurait des pénalités pour les ingénieurs et les architectes qui ont été engagés pour la construction de cet amphithéâtre. Donc, s'il y a des dépassements de coûts et d'horaires après que ce soit signé, après que ce soit que la soumission ait été acceptée, tout ça, là, c'est ça? Exactement. OK, parce que c'est un des problèmes dans l'industrie de la construction. On a parlé même au niveau provincial, c'est un des gros problèmes, justement, le rapport du Chesneau qui parlait des extras sont obligés de prendre le plus bas soumissionnaire pour un contrat de construction, mais après, si ce plus bas soumissionnaire-là décide de dire « Ah, ben finalement, c'est pas ce prix-là, c'est plutôt ce prix-là », on est un peu pris avec ça. C'est ça la réalité? Exactement. Et voilà, c'est ça. Donc, effectivement, ce qu'on découvre lentement mais sûrement, c'est que les soumissionnaires, justement, propose un prix, et là, avec les dépensements de coûts qu'il y a à chaque fois, ben, c'est extraordinaire. J'ai même déjà entendu un chiffre lancé, je ne sais pas si c'est aléatoire, mais tout ce qui a été fait en dépensement de coûts dans une année, dans les dernières années en construction, dans les grands chantiers depuis la crise de 2008, eh ben, c'est le déficit de la province à chaque année. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, OK, tout ce qui a été fait depuis le début représente le déficit par année au Québec. Voilà, depuis le début de la crise en 2008, on a lancé des grands chantiers, donc tous les dépensements de coûts qui sont encourus par le gouvernement du Québec, eh ben, ça équivaut à peu près au déficit. Le déficit annuel et voilà. Du gouvernement du Québec. Ça serait quand même. Hein? Ça serait bien de faire un exercice là-dessus. Voilà. Samedi 15 octobre, c'était Occupons Québec, Occupons Montréal également, dans la lignée d'Occupy Wall Street, dans la lignée des événements indignés de l'Europe. En fait, on appelait ça la Journée mondiale des indignés. Donc, il y a eu presque 1000 villes qui se sont impliquées dans ce mouvement-là, qui ont fait des manifestations localement. Et 83, au-dessus de 80 pays ont participé à ça. Puis là, on parle de villes du genre Tokyo et Hong Kong aussi qui se sont joints. Là, on parle pas juste de la Grèce et de Montréal et de Wall Street. Voilà, ça sera notre premier sujet d'aujourd'hui. On va faire un bilan de la première édition, du premier événement Occupons Québec. On va parler également de cette fameuse zone euro, justement, dont on vient de parler, avec Bernard Ely, un économiste de l'Université du Québec à Montréal. Oui, en fait, pour comprendre un peu tout ce qui se passe, parce que là, on arrive à Québec avec une manifestation qui a eu lieu le 15 octobre à Québec, au carré Diauville, qui a ramassé plus de 200 personnes, selon ce qu'en disent les médias. Et tout ça est arrivé d'un mouvement qui part de Wall Street, mais qui avant Wall Street est parti de l'Espagne. Et ça, il y a une crise. économique en Europe, comme on le sait, tout comme celle qu'il y a en Amérique du Nord. Et cette crise-là, on ne la comprend pas beaucoup. On entend dans les médias parler de la crise de la dette, de la crise de la zone euro, la crise de l'euro comme monnaie. Les gouvernements se disent il faut s'entendre, il faut arrêter d'être chacun dans notre petit panier, mais réussir à avoir un consensus qui fasse qu'on ne soit pas égoïste, qu'on arrive à sauver l'Europe et à sauver l'euro. Et on a un économiste, un professeur de l'Université de Montréal, réputé, M. Bernard Ely, qui va nous expliquer ça un peu, va vulgariser ça pour nous, c'est quoi cette crise de la zone euro. Fait que nous, pauvres Nord-Américains qui n'entendons parler de cela qu'en surface, on va enfin pouvoir avoir une explication en profondeur. Évidemment, puis la semaine dernière, on soulignait qu'à Québec, c'est peut-être plus difficile de faire bouger les masses, puisque, somme toute, en apparence, ça va bien. Mais dans le Devoir, l'édition du Devoir du week-end du 8 et 9 octobre, Isabelle Porter a tressé un grand dossier qui s'appelle « L'autre visage des banlieues » et qui parle que la pauvreté, eux, ils parlent de défavorisation, c'est un nouveau terme qui a été amené, a augmenté dans les banlieues de Montréal et de Québec. On parle même du secteur de Sainte-Foy-Sillery, que la pauvreté a augmenté dans ces secteurs-là. Et on va avoir avec nous en studio pour en parler Mme Andréanne Ross, qui est de l'organisme Solidarité Famille du Berger-les-Saules, ainsi que une dame du CSSS, donc le Centre de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Mme Lavoie, qui va être avec nous également pour en parler, parce qu'elle a fait partie de la direction de cette étude pour vérifier quelle est l'étendue et l'état de la nouvelle pauvreté à Québec. Voilà. Une pauvreté qui s'étend maintenant jusqu'aux banlieues puis qui ne reste plus seulement dans Saint-Roch, Saint-Sauveur ou Limoilou, comme jusqu'à l'idée qu'on s'en fait, en fait. Exactement. C'est que même si après la revitalisation du centre-ville, il y a toujours autant de pauvreté, mais là, la pauvreté s'est étendue. Donc, ce qu'il faut comprendre peut-être, c'est que la pauvreté à Québec a augmenté dans les dernières années et c'est ce qu'on va démystifier justement avec ces deux dames qui nous feront le plaisir d'être avec nous. Bon, ben alors, on a déjà en studio avec nous Ariane Gobeil, qui a présidé la première des réunions de Occupons Québec. En fait, Occupons Québec, à la différence des autres villes, de villes plus grandes, a décidé, corrige-moi si je me trompe, de faire un événement samedi dernier, donc le 15 octobre, d'occuper toute la journée le carré d'Youville, et au lieu de rester en occupation constante, sans fin, en fait, de remettre ça au samedi suivant pour recommencer une occupation. Oui, exactement. C'est qu'on a décidé, de remettre au prochain. Donc voilà, on a décidé de faire les occupations en fait à chaque semaine, donc chaque samedi. Ce qu'on a décidé à la dernière assemblée générale, c'est de faire une occupation qui va se poursuivre toute la fin de semaine, donc les samedis, dimanches de chaque semaine. Le 15 octobre dernier, ça a été de 13h jusqu'à 23h, donc on a eu beaucoup de gens qui sont restés là, jusqu'à la fin. Donc moi j'avais compté là, environ 300 personnes là, dans le plus gros de la journée, puis jusqu'à la fin il y a eu des gens, des musiciens qui ont joué, qui sont restés, puis qui ont animé les gens qui étaient là. Donc voilà. Donc, on va voir là, bientôt ce qu'on va faire, vers quoi on va s'orienter là, pour les prochaines semaines. Mais oui, il va y avoir un campement samedi soir. Donc, ce qu'on a décidé, c'est qu'on modifie le lieu en fait, de l'occupation. Ça va plutôt être au Parc Saint-Roch, donc coin Charest de la Couronne, donc à 13h, samedi 22 octobre, cette fin de semaine. Puis moi, j'étais là, j'étais présente, j'avais envie d'en savoir plus à ce moment-là. Là où ça a été décidé le nouveau lieu de la manifestation. Puis je sais pas si vous pourriez nous expliquer un peu comment les décisions se prennent dans un... Parce que là, c'était un moment où il y avait particulièrement beaucoup de gens au carré d'Youville. Mm-hmm. N'importe qui peut s'exprimer. On discute avec un... Donc quelqu'un prend la parole avec un porte-voix. Puis comment on finit par trouver le consensus pour des questions comme ça? Oui, bien en fait, c'est ça. Donc, on dénonce actuellement le genre de démocratie qui se fait au Québec. Donc, évidemment, on veut avoir une forme de démocratie qui est directe. Donc, les gens qui viennent sont invités à prendre la parole. Donc, ce qu'on a fait pour faciliter la chose, c'est qu'on a créé c'est un système qu'on a repris de Wall Street, un système de gestes, donc qui nous permet de voir si les gens sont en accord, sont plus ou moins en accord, si les gens ont une question à poser, si les gens trouvent que ça tourne en rond. Donc, ces gestes-là, on peut les faire pour montrer à la personne qui parle notre approbation ou si on veut qu'il y ait des choses qui changent ou si on veut prendre la parole. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de faire. Puis aussi, il y a une façon de dire qu'on est d'accord qui fait que il y a moins d'applaudissements, donc moins de bruit. Donc, il y a une assemblée qui se tient bien. Exactement. Donc, voilà. Fait que si quelqu'un monte sur scène puis est complètement hors sujet, se met à dire que lui, il vend telle affaire puis qu'il aimerait ça que tout le monde vienne acheter à sa boutique, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. C'est qu'on voit tout de suite la désapprobation l'approbation des gens. Donc, très rapidement, lorsque c'est hors sujet, il y a un signe pour le dire. Donc, hors sujet, un tu dérapes. Un geste qu'on fait dans les airs. Exact, un geste qu'on fait dans les airs là, avec les mains pour dire, bon, tu dérapes, ça n'a pas sa place ici. Donc, on voit très rapidement les gens, la foule commence à réagir. Donc, même les interlocuteurs vont voir, bon, justement, OK, je devrais peut-être changer mon discours ou c'est pas nécessairement approprié. Donc, on le voit très bien, là, on voit très bien l'effet de masse qui se propage assez rapidement. OK. Puis est-ce que ça, bon, c'est évidemment pour que ce soit la démocratie directe, on en a, beaucoup de médias en ont parlé, ils disent ça prend du temps, mais ça, on le sait. D'ailleurs, on en parlait avec l'auteur du livre sur la baume, David Lemelin, la semaine dernière, que oui, là, des fois, quelqu'un qui prend des décisions, ça fait que ça va plus rondement, puis on avance. Mm-hmm. Puis, est-ce que des fois, il y a des côtés frustrants à ça, dans des manifestations comme ça? Est-ce que c'est des fois, c'est trop long? Ben, c'est ça. C'est sûr que ça peut être long. Il faut prendre le temps. Donc, quand on se dit, oui, démocratie directe, ben, il faut prendre le temps, je pense. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a laissé parler les gens, mais c'est clair qu'à un moment donné, souvent, on peut se mettre un temps déterminé pour parler de tel point, parce qu'autrement, c'est certain qu'on pourrait tirer la sauce assez longtemps. Mais oui, en se donnant du temps, en étant patient, puis justement, je pense que ça, on peut arriver à un consensus assez rapidement, mais évidemment, il y a des choses qui sont remises là, à l'extérieur, dans le mouvement, qui sont rediscutées en comité, des points qui sont détaillés ailleurs, à l'extérieur, qui font qu'en AG, on a des décisions qui se prennent plus rapidement. OK. Puis par rapport à ce que vous... Donc, il y avait un comité à la base qui organisait plus... Parce qu'on s'entend que même s'il y a beaucoup d'organisateurs puis que c'est très démocratique, il y a un comité quand même qui organise l'événement puis il y a une autre masse de gens qui fait simplement y participer puis venir sans mettre la main à la pâte de l'organisation. Est-ce que vous étiez dans l'organisation de départ? Oui, bien en fait, c'est ça. C'est qu'au départ, on était environ une dizaine de personnes qui ont participé à la première Assemblée générale. Donc, on ne prévoyait pas nécessairement avoir un aussi grand nombre de gens. On était agréablement surpris là, des gens qui se sont présentés, de la diversité également. Donc, les gens vont être appelés justement à intégrer l'organisation. Donc, il y a un comité d'organisation qui s'occupe de l'événement, mais tout le monde peut y participer également. Donc, les gens ont remis leurs coordonnées, ce dans quoi ils étaient bons, qu'est-ce qu'ils pouvaient nous apporter au mouvement. Puis, les gens vont se redistribuer en comité pour pouvoir permettre à tout le monde de participer. Donc, c'est pas... Il n'y a pas d'organisation fixe, fermée. Non, okay. Vraiment, c'est les organisateurs. C'est les gens qui étaient là au début à la première assemblée, mais évidemment, il y a des gens qui vont se rajouter et peut-être que des gens vont se greffer à d'autres comités, puis ça va bouger tout ça. Donc, c'est vraiment pas fixe. Là. OK, Ariane, moi, je suis un peu visuel. Là. Donc, j'imagine que votre organisation présentement, sans avoir de chef ou de leader X, il y a vraiment des cellules qui se sont dit, nous, on s'approprie, par exemple, tel mandat, la logistique sur place, nous, c'est les communications, nous, par exemple, c'est les intervenants, c'est bien ça, je comprends bien. Exactement, oui, c'est ça. Donc, toutes les personnes sont regroupées en comité, donc on a un comité pour la bouffe, pour les médias, pour la conception de banderoles, pour l'animation. Donc, tout ça, c'est en comité. Puis les gens s'intègrent là, quand ils ont des points à apporter. Chaque comité a un mandat différent. Puis tout le monde est invité à y participer. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de forme de hiérarchisation dans l'organisation. Tout ça. Très bien. Puis, par rapport à la semaine... Donc là, la semaine prochaine, samedi, vous avez décidé en première assemblée que ça, on ferait ça à partir de la semaine prochaine, toutes les fins de semaine, et que ça sera au Parc Saint-Roch. Est-ce que... comment ça évolue? Est-ce que de nouvelles personnes se sont effectivement greffées, ont envie de s'impliquer, qui n'étaient pas là avant samedi dernier? Est-ce que... comment ça a évolué? Comment vous voyez les choses à partir de samedi prochain? Bien, c'est ça. En fait, il y a eu vraiment une grande liste de personnes. Là, on parle d'environ 100 personnes qui ont donné leurs coordonnées puis qui sont prêts à participer, à s'intégrer dans l'événement. Donc, c'est sûr qu'on s'attend à voir encore plus de gens samedi. On s'attend à ce que le réseau devienne plus grand, plus important. Puis c'est ça, il y a beaucoup de gens du milieu communautaire qui étaient là, donc qui nous ont donné leur appui, qui vont se présenter, qui vont se greffer. Il y a aussi vendredi soir, la nuit des sans-abri. Donc, c'est sûr qu'on va se joindre à ça, qu'on va participer à ça. Mais oui, évidemment, c'est ça. Donc, il va y avoir une autre assemblée générale samedi. Il va y avoir de l'animation, puis tout ça. Puis c'est là qu'on va... Là, on va vraiment on va essayer de définir qu'est-ce qu'on va faire, donc qu'est-ce qu'on va revendiquer, quels sont les grands principes vraiment, parce qu'on a déjà un manifeste qui est écrit, mais évidemment, pour aller dans le concret, là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça va être discuté là, samedi en AG. Donc, est-ce qu'on va participer, par exemple, aux conseils municipaux? Est-ce qu'on va joindre à différents mouvements qui revendiquent une meilleure répartition des richesses? Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce plan-là? Ça va être discuté vraiment samedi. Pour définir un peu les orientations, qu'est-ce que vous prenez sur vous de défendre, c'est ça? C'est ça, exactement. Parce que moi, je me demandais, quand j'y étais aussi, il y avait une autre discussion que j'ai trouvée intéressante, où les gens disaient... mais je me posais la question, parce que plusieurs personnes qui sont venues, qui ont pris le porte-voix, ont dit « Non, faut pas être partisan, on n'est pas partisan. Mm-hmm. » Ça, bon, je peux comprendre, non-partisan, c'est de ne pas s'associer à un parti. Fait qu'on, ça, disons que c'est un peu, si on en veut au parti politique, on a raison de vouloir créer autre chose à côté. Mais beaucoup disaient « On n'est pas politique, c'est pas politique, puis on n'est pas avec aucun autre mouvement. » Mais là, je me demandais, est-ce que ça se peut pas, de toute façon, comme quelqu'un l'a mentionné pendant la... qui est venu aussi parler au porte-voix, tout ce qu'on fait est infiniment politique, surtout quelque chose comme ça. Ouais. Donc, j'aimerais savoir ce que vous, personnellement, vous en pensez. Ben, c'est ça. Moi, personnellement, c'est sûr que je vois ce mouvement-là comme politique. Là. C'est clair qu'il va y avoir des gestes qui sont posés. On revendique une meilleure répartition des richesses. On revendique une société qui va fonctionner autre qu'avec un capitalisme sauvage comme ça se fait actuellement. Donc, évidemment, s'il y a tout de politique, mais on veut rassembler le plus de personnes possible, les gens qui font partie du 99%, des gens qui sont révoltés, qui veulent que ça bouge. Donc ça, c'est clair que c'est une association qui, pour l'instant, est non partisane, mais éventuellement, ça va être à discuter justement. Est-ce qu'on prend le parti de certaines organisations qui vont vraiment aller dans les points là, qu'on va mentionner, qui vont aller dans les orientations du mouvement. Mais c'est clair que c'est politique et ça va le devenir de plus en plus dépendamment des actions qu'on va décider de poser parce que c'est ça. Ce que je verrais comme mouvement, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que ça se transforme vraiment en tribune populaire, que les gens s'approprient vraiment un espace public qui a été perdu. On parle du Parc Saint-Roch, que les gens vraiment viennent donner leurs impressions, ce qu'ils veulent faire et que ça bouge vraiment au niveau politique. Donc, que ce soit une espèce de tremplin pour que ces gens-là redistribuent les tâches puis vraiment occupent là, toutes les sphères justement des plans politiques, de toutes les manifestations ou organisations que finalement les décisions gouvernementales ne soient pas prises sous le nez de la population comme ça se fait actuellement, que ce soit gouverné vraiment au nom de la population. De faire sortir, j'imagine, la contestation des réseaux sociaux puis la réaliser dans exactement. La réalité aussi, j'imagine. Exactement. Christian, tu avais une question? Ben, en fait, il faut questionner aussi le terme politique, c'est-à-dire que je pense que c'est de la politique ce qu'on est en train de faire là. Mmh. De toute façon, je pense que les gens s'opposent à l'ingérence de la gouvernance là-dedans plus, c'est-à-dire les institutions parlementaires, les partis politiques, les députés, les ci, les ça. Les syndicats, etc. Donc, oui, et c'est ça. Et d'ailleurs, au niveau des syndicats, parce que je voudrais en venir là-dessus, entre autres, parce qu'il y a M. Éric Duhaime du Réseau Liberté Québec qui, lui, a accusé les grands syndicats de financer Occupy Wall Street, entre autres. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut, nous, de la politique. Les gens ne veulent pas faire de politique. Il faut s'entendre que c'est ça qu'on fait de toute façon. On parle de façon de gérer la société. On parle de valeurs. Donc, c'est un peu de la, la politique. C'est comme si on a tellement fini par accoler au mot politique tout ce qui va pas bien dans notre société, alors que c'est beaucoup plus large que ça, puis que le mot politique aussi est beaucoup plus large que ce qu'on en voit dans les journaux, on avait tellement fini par trouver ça pas beau que n'importe quel mouvement qui cherche une légitimité citoyenne ou qui cherche une légitimité où il n'y a pas d'intérêt à défendre lié à l'argent, à la carrière, etc. Au pouvoir, surtout. Au pouvoir, oui, c'est ça. N'importe qui essaie de faire autre chose que ça a peur du mot politique, a peur de s'afficher autrement qu'en disant « je ne suis rien, je ne défends rien ». Et puis ça, c'est un problème parce que ça m'a paru être un discours qui revenait de temps à autre. Exact. Oui, ça revient beaucoup, beaucoup. Exactement. Les gens ont peur de ce mot-là, mais c'est un mot qu'il va falloir se réapproprier parce qu'évidemment, les gens qui travaillent dans l'aspect communautaire, qui travaillent dans le milieu de la pauvreté ou tout ça, ça en est de la politique. Puis souvent, il y a des acteurs très importants. Mais ça, justement, c'est ça. C'est un mot dont il ne faudra pas avoir peur. Puis justement, peut-être redorer cette image-là de la politique. Qui ne devrait pas avoir un sens aussi péjoratif là, comme on l'entend actuellement. En fait, quiconque vote, achète, paie des impôts, bénéficie des services publics, fait de la politique, hein, quelque part. Il parle d'autre chose que de son petit nombril à Noël. Là. Il y a quand même, je veux dire, on parle, dès qu'on parle du nous, dès qu'on parle de plus grand que juste des choses qui concernent, qui nous concernent nous-mêmes personnellement, c'est de la politique. Il y a des valeurs impliquées là-dedans. Ouais. Pis... Le temps file, mesdames, le temps file à grande vitesse. C'est très intéressant ce qu'on entend présentement. Ariane, écoute, moi je suis arrivé, on s'est un peu peu relayé, moi puis Catherine. C'est-à-dire, moi, j'ai fait les deux premières heures. Catherine est arrivée par la suite sur les lieux. Et moi, je suis arrivé dès le début à 13h30. Évidemment, ce qui m'a... Je m'attendais absolument à rien. Et moi, ce que j'ai trouvé... Une chose que j'ai trouvé difficile, c'est qu'il y avait des gens qui parlaient. Et là, on sentait toute la bonne volonté, mais les infrastructures avec le porte-voix à bout de bras, etc. Là, les gens se relayaient pour... C'était presque émouvant de voir ça. Et là, maintenant, au niveau de la suite des choses, là, évidemment, on appelle les gens à s'impliquer. Ça s'est appelé à grossir. C'est quoi vos besoins maintenant que vous avez? Là, si tu avais un appel à lancer à des gens, par exemple, présentement, c'est quoi les besoins en logistique maintenant? Là, vous avez parlé d'avoir des tentes, peut-être de la bouffe, du matériel sonore, des systèmes de son, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des conférenciers? C'est quoi vos besoins présentement, selon toi, auxquels les gens pourraient répondre, nos auditeurs? Oui, ben c'est ça. Ben, en fait, on a besoin de matériel pour camper. Donc, des tentes, des matelas, tout ce qui peut être aussi des brûleurs pour faire chauffer la soupe ou des trucs du genre, des trucs chauds, de la bouffe, on en a toujours besoin. On a besoin de bras aussi, on a besoin de voitures, des gens qui peuvent transporter tout ce matériel-là. On a besoin aussi de systèmes de son, amplificateurs, tout ça. Il y a des gens qui se sont déjà proposés pour en amener, mais oui, ça c'est clair qu'on a besoin de ça. On a besoin aussi de la participation des gens. Ça, c'est clair. Des gens qui vont rester là, qui vont être là dans le jour, mais aussi la nuit, et qui vont être là au réveil le lendemain matin. Donc, des gens aussi qui sont prêts à parler aux médias, qui sont prêts à faire des contacts avec les gens, des gens qui peuvent faire de la traduction au niveau des documents là, qui partent de Wall Street, qui s'en viennent ici. Donc, grosso modo, ça ressemble pas mal à ça. Des gens aussi qui veulent gérer des groupes Facebook, qui veulent intervenir, agir à titre de modérateur pour le mouvement, des choses comme ça. Ouais. Puis physiquement, là, mettons, quelqu'un veut se demande s'il y a d'affaires là-bas. Okay? Je me dis, est-ce que je vais-tu me sentir par rapport là? Ça va ressembler à quoi? Ça va être comment? Y a-tu une scène? Y a-tu des places où les gens vont pouvoir s'asseoir? Y a-tu des toilettes? Y a-tu des gens qui vont animer? Est-ce que ça va être sans arrêt des discussions ou ben de temps en temps il va y avoir autre chose? Avez-vous pensé à ça? Vous en êtes à... Ouais, c'est ça. Ben en fait là c'est clair qu'il y a une assemblée générale, mais sinon il va y avoir de la musique, il va certainement y avoir des présentations de gens, il va y avoir des endroits pour manger, pour discuter aussi. Pour ce qui est des toilettes, ben y en a tout près là parce que c'est près de l'arrêt de bus, donc où est-ce qu'il va y avoir des toilettes pour les gens. C'est le parc là où il y a une grande chute l'été, puis où il y a la C'est à côté de l'ENAP. C'est à côté de l'Université du Québec, oui. Okay, ouais. Donc, l'administration publique, oui. L'École nationale d'administration publique. Mm-hmm. Pour en fait, c'est de chez CGI. C'est ma mère bonne, c'est ça? Il y a un Starbucks là en face, ouais, exact. Sans vouloir leur faire de la pub. Ouais, c'est ça. Mais c'est super de manifester devant CG et Starbucks, mais je trouve ça super. Ouais, absolument. Ouais, exact. Mais c'est ça, il y a des bancs là, pour s'asseoir, pour les gens qui vont être là. Il va y avoir aussi un toit, donc il va y avoir des gens qui vont porter des bâches tout ça pour au cas où il y a de la pluie puis tout ça. Donc voilà. Ben écoute, Ariane, le temps encore une fois file à grande vitesse. Il va falloir passer une pause bientôt. Moi, je pense qu'il y a un appel à tous à faire également. C'est si vous êtes musicien, justement, le but c'est d'occuper. Donc, c'est de faire vivre l'espace qui est là. Oui, il y a des conférences, il y a du contenu politique, mais c'est également, il faut montrer un enthousiasme pour combattre la grisaille. Il faut être positif par rapport au cynisme. Donc, si vous faites voler des cerfs-volants, vous jonglez, vous faites je ne sais quoi. Vous amenez une caméra, puis vous faites un compte-rendu de ça pour le mettre sur Facebook. Exactement, oui, exactement. Il y en a qui l'ont fait. Oui, des gens. Tout le monde est vraiment invité à apporter son grain de sel, puis vraiment, justement, à s'approprier cet espace-là, puis à montrer, bon, on est là, on se laisse pas faire, puis on a des choses à dire. Donc, tout le monde est invité à apporter son matériel, son sourire. C'est samedi prochain à 13h30? À 13h. À 13h. Ouais. OK, parfait. Ouais. Bon. Et oui, Ariane, une dernière information. Si les gens veulent prendre de l'info sur le web, se manifester pour offrir de l'aide et tout ça, on va à quel endroit, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, on peut aller sur Facebook, donc inscrire Occupons Québec. Puis il y a une page ainsi qu'un groupe. Donc, vous pouvez vous ajouter, donner vos coordonnées, vous inscrire sur la page et puis on va vous redonner des nouvelles là, si jamais il y a des gens qui veulent apporter du matériel ou leur présence, leur participation. Sinon, il y a un groupe Wiki aussi. Puis voilà, donc ça se passe essentiellement là, sur Facebook là, pour, pour entrer en contact avec nous. Bon, ben, merci beaucoup, Ariane. Merci à vous. Un grand merci, Ariane. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de la fausse patte sur CKRL. On vient de discuter d'Occupons Québec avec Ariane, qui est une des instigatrices, une des responsables, une des porte-parole, en fait, de cet événement-là. Nous, on prend une petite pause et on revient tout de suite après. Catherine qui avec s'entretient. Avec Bernard Elie, notre expert en finance, qui va nous expliquer de façon bien vulgarisée, n'ayez crainte, je vais lui poser des questions pour que tout un chacun puisse comprendre d'où ça vient, cette crise-là dont on parle tout le temps en Europe et qui est très liée à celle d'Amérique du Nord et aussi au mouvement de protestation. Si on pense à la crise de 1929 et au mouvement de protestation qu'il y a eu dans les années 30, c'est peut-être un peu la même chose qui est en train de nous arriver. Bernard Elie va nous expliquer un peu la genèse de tout ça. Et nous, on part une petite pause publicitaire, ensuite un bloc musical où on va entendre du Boris Vian, La Complainte du Progrès. Chanson écrite fin 50, début 60 et qui vraiment... est une satire de la société de consommation encore extrêmement à jour, même en 2011. Et puis, ben moi, je me gâte en mettant après ça du Serge Gainsbourg aux armes, etc. Mais pour l'instant, pause pub. Explosive Groove et le Festival de Jazz de Québec vous invitent au lancement de l'album The Slim More and the Markets. Tabagie Saint-Jean fait aujourd'hui figure d'institution. Revues, magazines, commodités en tout genre incluant bière, vin, café, choix de viennoiserie et autres sucreries. La Tabagie Saint-Jean, 620 rue Saint-Jean, 418-522-5923 pour les livraisons en semaine. Venez aussi découvrir en exclusivité le système électronique HD Smoke et rendez-vous sur tabagiesaintjean.com. La Tabagie Saint-Jean connaît le tabac. Cet automne, le Quartier de Lille vous présente trois spectacles qui vous en mettront plein les oreilles. Le 22 octobre, Jean Miller Blues Band. Le 29 octobre, Years Goes By vous offrira une soirée de rock des années 70. Et le 5 novembre, Angel Forest vient nous rendre visite. Réservé au 88-523-4011. Le Quartier de Lune, 799 Avenue Cartier. La cuivre et la citrouille revient en octobre à la Barberie. Surveillez son apparition sur notre page Facebook ou sur notre site labarberie.com. La Barberie, 310 rue Saint-Roch. Explosion imminent. Evacuate the facility immediately. Les jeudis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Michel Drolet vous présente Mezzanine, les nouveautés du rock britannique actuel. Today's security code is finit ce bloc musique avec Serge Gainsbourg lui-même, Gainsbourg aux armes, etc. Alors, vous avez reconnu peut-être la Marseillaise telle que interprétée par Gainsbourg, enregistrée à Kingston, en Jamaïque. Alors, ce qui était intéressant avec cette chanson, c'est que les choristes ne savaient pas ce que voulait dire « aux armes ». Et lorsqu'ils chantaient, ils faisaient leur mouvement reggae de paix, alors « aux armes », etc. Et « aux armes », ils levaient les bras dans les airs. Alors, c'est une anecdote sur cette chanson un peu particulière qui a fait scandale en France. Donc, Catherine, je te cède l'antenne, puisque tu as un invité de marque au bout du fil qui nous attend directement de Montréal. Oui, Catherine, c'est à toi. OK. Oui, bonjour. On a Bernard Elie avec nous qui est là pour nous expliquer, qui a eu la gentillesse d'accepter de venir vulgariser un peu pour nous. D'où ça vient cette crise-là en Europe qui a déclenché le mouvement des indignés, ou en fait qui est en étroite corrélation avec ce mouvement-là et qui s'est finalement rendu jusqu'en Amérique du Nord. Donc, Monsieur Elie, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et professeur à l'Université de Montréal? Non, l'Université du Québec à Montréal. L'Université du Québec à Montréal, c'est pardon. C'est pas la même chose. Pardon, non, c'est pas la même chose. Il manque un mot important. Je vous entends un peu mal, un peu faiblement. Ah bon? Je sais pas si Christian, tu peux... Bon, parfait. M'entendez-vous mieux? Ah, c'est mieux, là, oui. Parfait. Donc, c'est ça, on a... Si on se demande... On parle beaucoup ici au Québec du mouvement de Occupy Wall Street et de Occupons Montréal, Occupons Québec. On en a parlé nous-mêmes dans nos émissions. Et évidemment, on en parle plus depuis que ça arrive à nos portes en Amérique du Nord. Mais ce mouvement-là a commencé, on pourrait dire, tout de suite après le printemps arabe en Europe. On a parlé du printemps arabe, on a parlé de l'été espagnol. Et là, on serait dans un automne nord-américain. Et peut-être, qui sait, un hiver global, comme l'espèrent les manifestants. Pourriez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé en Europe dans cette zone dont on ne parle peut-être pas assez ici en Amérique du Nord pour que des gens se mettent à s'organiser, à manifester? Du côté financier, est-ce qu'ils ont subi une crise semblable à celle des États-Unis? Donc, donc vous abordez un sujet extrêmement complexe. Je vais essayer d'y aller tranquillement, là. Bon, le mouvement que l'on voit en Europe, ça a commencé à Barcelone cet été. Ça s'est répandu partout. Aujourd'hui, les Grecs sont en grève générale et ça a même dégénéré de façon, avec l'intervention policière, de façon assez brutale. Oui, aujourd'hui particulièrement, il y a eu beaucoup de manifestations violentes. Exactement. Et puis, bon, depuis un peu plus d'un mois, à New York également, il y a le mouvement Occupons Wall Street. Bon, finalement, c'est la signification d'un ras-le-bol de la situation économique et sociale dans laquelle on se trouve. Je ne sais pas si vous parliez tout à l'heure d'éléments cosmiques. Effectivement, est-ce que c'est un cycle qui revient à tous les 30 ou 40 ans, un peu comme ce qui s'est passé à la fin des années 60, tout le mouvement autour des années 68? Bon, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que depuis au moins 10 ans, il y a une redistribution extrêmement inégale des revenus ou de la richesse dans les sociétés occidentales, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Et on a subi une crise économique très importante qui a commencé à se voir en 2007, mais qui s'est révélée de façon pleine en 2008-2009. Et cette crise-là provenait du secteur financier. Aux États-Unis seulement? Ou... Non, en Europe également. Okay. C'était mondial comme crise, mais particulièrement en Europe et en Amérique du Nord. Alors, cette crise financière-là est venue pas par hasard. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, avec la domination de l'idéologie néolibérale, les économies occidentales en particulier, l'Amérique du Nord, Europe, mais aussi sur le reste de la planète, ces économies-là ont subi une déréglementation. On a libéralisé, en quelque sorte, l'activité économique, par exemple, en particulier dans le domaine financier. Puis on parle beaucoup quand on parle des années 80 de cet épisode de libéralisation-là. Ça a commencé dans les années 80, mais ça s'est accentué dans les années 90 et 2000. Puis on parle de l'action de Reagan, de Thatcher. On répète toujours ces deux mêmes noms-là qui, oui, au Royaume-Uni et aux États-Unis, auraient été un peu à la source de ça. Mais pour que le monde occidental en entier emboîte le pas, j'imagine que ça devait être beaucoup plus gros que ces deux seules personnes. Oui, mais c'est-à-dire que Margaret Thatcher et Donald Reagan Ronald Reagan plutôt, ont été les deux politiques, une femme et un homme politique, d'abord Mme Thatcher, ont été les premiers à appuyer et à mettre en place les idées néolibérales de libéralisation de l'économie. Hein? Mme Thatcher, quand elle est arrivée au pouvoir en Grande-Bretagne, a entamé une guerre très forte contre les syndicats, en particulier le syndicat des charbonnages, voulant mettre au pas les travailleurs. M. Reagan, en arrivant au pouvoir, la première chose qu'il a faite, ça a été de mettre à la porte tous les contrôleurs aériens qui étaient en grève et de les remplacer par l'armée. Et donc, Mme Thatcher et M. Reagan sont arrivés au pouvoir en disant on va laisser plus de liberté aux entreprises et aux entrepreneurs, et pour que l'économie redémarre et que qu'il arrête d'être bloqué par les travailleurs trop revendicatifs et par une implication de l'État trop importante. Et là, une des premières choses qu'ils ont fait également à l'époque, ça a été de baisser les impôts des hauts revenus. Mais est-ce que ça, c'était le résultat simplement d'une idéologie, donc que des gens croyaient que vraiment que ça allait être ça qui allait améliorer le sort de leur pays, ou est-ce on pourrait parler de collusion avec le monde de la finance? Non, c'est-à-dire qu'en en économie, la principale préoccupation en économie, c'est le partage de la richesse. Hein? Et donc, à la fin des années 70, début des années 80, il y avait une crise économique importante, et là, le modèle économique qui avait été utilisé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on a appelé le modèle keynésien, même si c'était pas tout à fait exact, ce modèle-là ne fonctionnait plus, en quelque sorte. Et donc là, comme toujours, il y a eu un renversement et le retour des idées libérales qui existaient avant le modèle keynésien, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est toujours un retour de balancier. Alors, ce qui s'est passé à partir des années 80, c'est cette montée du néolibéralisme qui a entraîné une libéralisation, une déréglementation de l'ensemble de l'économie, avec l'idée derrière la tête, c'est que si l'économie allait mal et si on voulait qu'elle aille mieux, il fallait libérer les entreprises, libérer les entrepreneurs, pour qu'ils puissent entreprendre et permettre à l'économie de se développer. Alors, donc, pendant les 30 années qui ont suivi l'arrivée au pouvoir de Mme Thatcher et de M. Reagan, donc les années 80, 90 et 2000, il y a eu une déréglementation extrêmement forte, en particulier dans le secteur financier, tout en étant accompagné d'une mondialisation. Puis ça, c'était constant, c'est-à-dire que d'année en année, de nouvelles lois venaient libéraliser encore plus. Exactement. Okay. C'était un mouvement continu. Et mais accompagné de cette vision de mondialisation et amplifié par les changements technologiques. Hein? Quand moi j'étais étudiant à l'étranger pour faire mon doctorat il y a très très longtemps, si je voulais faire venir de l'argent du Québec, il fallait que j'envoie un téléx à ma banque qui envoyait par téléx des fonds à une succursale bancaire d'une banque correspondante à Paris. Tout ça prenait 2-3 semaines, tu sais, pour recevoir 200 $, par exemple. Hein? Alors qu'aujourd'hui, avec un guichet automatique, c'est instantané. Ouais. Hein? Bon, c'est la même chose au niveau de plus grosses transactions financières. Aujourd'hui, que vous soyez à Yellowknife, New York, Paris, Montréal ou Tombouctou, vous pouvez, par informatique, par Internet, vous pouvez faire des transactions financières partout sur la planète en temps réel. Hein? Donc ça a participé aussi, c'est une libéralisation technologique qui a amplifié le phénomène de libéralisation. Mais comment cette libéralisation-là, on s'est pas rendu compte qu'à un moment donné, elle est allée à un point où on n'était plus capable de défendre les intérêts du... On s'en est rendu compte lors des crises financières qui se sont produites à répétition dans les années 90 et 2000. Et là, il y a eu une très grosse crise financière en 2007, 2008, 2009. Et c'est là où les hommes et les femmes politiques nous ont dit « Ah, il faut re-réglementer, il faut revenir en arrière un peu, il faut contrôler le secteur financier. » M. Obama, M. Bush d'abord, Junior, et ensuite M. Obama, M. Sarkozy, même au Canada, le gouvernement conservateur ont tous dit qu'il fallait re-réglementer l'économie, en partie du secteur financier, mais finalement, il ne s'est rien fait. Mais toute cette déréglementation-là s'est accompagnée par un transfert de richesses gigantesque du secteur de la production réelle des entreprises qui produisent des tables, des ordinateurs, oui, des choses qu'on peut tout et des travailleurs. Oui. Il y a un énorme transfert de richesses qui s'est fait vers le secteur financier. Et Statistique Canada publiait une étude il y a à peine 2 ans montrant très bien qu'au Canada, il y avait eu aucune augmentation de richesse chez les salariés. Et au contraire, il y avait même eu une augmentation de l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Ça, après les promesses... Dans les années 2000, dans les 20 dernières années. Je pense que la voix du peuple se pose une question. Christian, je t'invite... Excusez-moi, Vox Pop. Écoutez, je ne veux pas me dresser en tant que porte-parole de la masse et tout. Non, mais je suis certain que vous êtes un bon porte-parole. Merci. Vous êtes bien gentil, monsieur. Écoutez, moi, c'est extrêmement intéressant ce que j'entends présentement de votre part. Écoutez, il y a eu une vidéo, en fait, sur les ondes de LCN dans les dernières semaines, dans les derniers temps, à l'émission de Richard Martineau. Éric Duhaime du réseau Liberté Québec fait une montée de lait, fait une sortie fracassante en ondes sur, justement, il donnait son opinion sur Occupy Wall Street, tout le mouvement. Mm-hmm. Et justement, il disait que c'était une fumisterie de croire que c'était le mouvement financier de la finance qui était responsable de ce qui se passait et que c'était au contraire l'interventionnisme d'État de la part de Barack Obama, entre autres, qui était responsable de la chute de Wall Street. Oui. Et vous répondez quoi à ces jugements-là? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que pour les néolibéraux, quand ça va mal, c'est parce que c'est toujours l'État qui intervient trop. Alors que pour moi, je me dis, justement, c'est que l'État n'intervient pas assez. Si on voulait mieux répartir la richesse aujourd'hui, il faudrait pas faire ce que M. Bush, M. Harper au Canada avec son ministre des Finances, M. Flaherty, ou ce que les Républicains ont réclamé cet été lors du débat sur la dette aux États-Unis, de réduire les impôts des riches. Parce que dans l'idée des néolibéraux, baisser les impôts des riches, c'est permettre à ces gens-là d'avoir plus d'épargne et donc d'investir et de faire redémarrer l'économie. De supposément créer des jobs. Mais non, on s'est rendu compte que ça ne s'est pas du tout produit parce que tout l'argent qui a été donné aux institutions bancaires pour les relever, pour pas qu'elles tombent supposément, parce que ça allait faire crasher l'économie, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, je donne un exemple. En 2007, le gouvernement fédéral a transféré au Québec 1,7 milliard de dollars pour l'éducation et la santé. Et le gouvernement de M. Charest, en pleine campagne électorale, a décidé de baisser les impôts plutôt que d'investir ça dans l'éducation et la santé. Mm. Hein? Pourquoi? Parce que l'idée était toujours la même. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est-à-dire la même idée, c'est que si les riches ont plus d'épargne, ils vont pouvoir investir plus et faire redémarrer l'économie. Ce qu'on s'est aperçu à partir de la dernière crise, en 2007, 2008, 2009, c'est que les hauts revenus ont payé moins d'impôts. Il y en a même certains qui disent, s'il vous plaît, imposez-moi plus. Ils ont payé moins d'impôts, mais ils n'ont pas investi. Jamais en Amérique du Nord et même en Europe, le taux de liquidité que possèdent les entreprises et les banques n'a été aussi élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est-à-dire que les entreprises ont de l'argent liquide, puis là, ils n'investissent pas parce qu'ils attendent que ça aille mieux. Donc, on fait confiance aux entreprises privées pour relancer l'économie, créer des emplois, mais comme ils ne le font pas, je me souviens dans mes cours d'économie il y a longtemps qu'on nous avait parlé du New Deal et de Keynes qui tous ces gens-là avaient, après la crise de 29, avaient dit il faut investir massivement dans des emplois justement pour les gens ordinaires, sécurité d'emploi, créer des emplois ici et là, des grands projets publics, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a décidé cette fois-ci de faire confiance aux gens qui venaient de faire planter le système économique, notre économie, plutôt que de l'État lui-même, au lieu de sauver les banques? Pourquoi l'État lui-même n'a pas injecté? Mais justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a eu une sorte de revirement. Quand Keynes ou le New Deal de Roosevelt aux États-Unis au début des années 30, pendant la crise économique, a été de dire, bon là, le secteur privé n'arrive pas à faire redémarrer l'économie, l'État va prendre la relève. Oui. Ce qui se passe passe actuellement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu une crise, le secteur privé n'arrive pas à prendre la relève. Et actuellement, les gouvernements, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, disent on fait encore confiance au secteur privé. Ah bon? Hein? Et donc, mais un taux de chômage de 9,1% aux États-Unis et qui atteint presque 15% chez les jeunes, ça s'est pas vu depuis la dernière guerre mondiale. Hein? L'augmentation de l'écart des revenus, il y a 30% des Américains qui sont pauvres. Hein? Donc, un pays où il n'y a pas d'assurance maladie, on est dans une situation où les gens qui manifestent à Wall Street se disent, c'est pas seulement des jeunes que certains pourraient qualifier de jeunes frustrés, de délinquants. Oui, non. C'est des gens même plus âgés, mais qui n'ont pas de bons emplois. Beaucoup de diplômés d'études supérieures aussi. Exactement. Aux États-Unis, donc, il y a 9,1% de chômage, mais il y a un tas de gens qui occupent des emplois où ils sont trop qualifiés pour l'emploi qu'ils occupent, et il y a un tas de gens qui travaillent, mais à temps partiel, qui aimeraient bien travailler à temps plein, mais qui ne travaillent pas. Taux de chômage réel des gens n'est pas 9,1%, mais autour de 16-17%. Ah oui, non, alors, et donc, les gens en ont ras-le-bol et on voit que les employés du secteur financier, se versent ou reçoivent des primes. Mais c'est ça, la question que je me pose, là, c'est pourquoi est-ce que je sais que vous n'êtes pas psychologue, mais pourquoi, d'après vous, les gouvernements font encore confiance au monde financier, si on veut, là, pour redresser la situation, alors que, comme vous dites, tout ce qu'on voit là, depuis un an et demi, c'est que eux autres, ils en ont un peu rien à foutre là, du bien public. Oui, mais il y a un jeu de pouvoir et une vision idéologique des choses. Hein? C'est-à-dire, sans perdre de la psychologie il est évident que encore aujourd'hui, avec les gouvernements conservateurs qui sont au pouvoir, ça va peut-être changer. Hein? Peut-être que Obama va pouvoir se débarrasser des républicains qui l'empêchent parce qu'ils ont le contrôle de la Chambre des représentants aux États-Unis. Et donc, les républicains qui empêchent Obama de mettre en place ses programmes de relance économique. Au Canada, on se retrouve avec un gouvernement conservateur. En Allemagne, en France, peut-être que M. Sarkozy va se faire débarquer par M. Hollande, socialiste, dans quelques mois. Et donc, il va peut-être avoir un revirement. Le mouvement qu'on voit d'occupation à la place Victoria à Montréal, ou bien à Wall Street, ou ce qui se passe en Espagne, en Italie et en Grèce, et même en Irlande, etc., ces mouvements-là vont peut-être amener un revirement. Comme ça s'est passé, tout à l'heure, je vous parlais de cycle économique. Moi, quand j'étais jeune, j'ai participé à ce qu'on a appelé les mouvements étudiants des années de 1968. Oui. Hein? C'était en Tchécoslovaquie, aux États-Unis, en France en mai 68, au Québec en octobre, etc. Et là, il y a un mouvement de rejet de la société dans laquelle on était, qui était rétrograde. Je pourrais vous en parler beaucoup là-dessus, mais c'est un autre sujet. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui. Là, les gens en ont ras-le-bol. Les Grecs qui ont vu leurs revenus diminuer de 30% en un an et demi, hein, on leur propose d'autres mesures pour baisser leurs revenus encore de 20%. Donc, ils vont avoir perdu la moitié de leur pouvoir d'achat. Tout ça pour rembourser une dette à un secteur financier qui a été largement renfloué par les fonds publics dans les années 2008, 2009 et 2010. Ça sent tellement l'injustice, d'autant plus ces gens-là font des salaires faramineux, obtiennent des primes généreuses, et donc là, il y a deux poids, deux mesures, et avec l'information qui circule rapidement, hein, c'est les nouvelles technologies, là, les gens n'en peuvent plus, et il y a un mouvement de révolte qui se développe, et qui veut remettre un peu sur ses pieds une société plus égalitaire, où la distribution de la richesse va être plus équitable. Monsieur Illy, écoutez, je vraiment, ça foisonne. J'ai la tête un peu en feu présentement. Excusez-moi. Non, c'est parfait, c'est formidable. Je vais tâcher de faire un résumé. Vous pouvez monter le son un peu, parce que vous vous êtes de plus en plus lointain. Ah oui, vous trouvez? Ouais. Alors, c'est parce que je suis tout ému. Mais non, sans blague, blague à part, je vais essayer de faire un résumé. Non, si je comprends bien, si on se fie à l'histoire, c'est vraiment l'interventionnisme d'État qui a permis à la situation financière, aux économies, de se redresser, de se stabiliser et de reprendre du poil de la bête. J'ai bien compris? Pas seulement le secteur financier, c'est-à-dire que la grande crise des années 30, l'intervention de l'État, par exemple, en cloisonnant les différents secteurs financiers, en faisant des travaux publics, en introduisant des fonds de pension, en introduisant le salaire minimum, en introduisant une série de mesures, a permis une redistribution de la richesse qui a fait redémarrer l'économie. Puis là, il y a eu la guerre, hein, bon, et toute la société... À l'époque, on n'était pas conscient tellement de l'environnement, mais toute la société de consommation qui s'est développée dans les années 50, 60 et même 70 a été le fruit de tout ça, mais d'une énorme redistribution de la richesse à la faveur du plus grand nombre. Okay, donc, et là, à partir monsieur... des années 80, ça a été un mouvement inverse. Et là, on en arrive à un point de rupture, un ras-le-bol des gens, et où les hommes et les femmes politiques nous ont promis, il y a 3-4 ans, de changer les choses, puis ils n'ont rien fait. Et c'est ça qui met... Mais je me demande, si le jour où on va se rendre compte que ça ne marche pas, que le milieu financier, que les entreprises ne sont pas capables de relancer l'économie, et où on va faire peut-être, comme le New Deal de Roosevelt dans les années 30, on n'aura peut-être pas les moyens, vu qu'on est déjà très endetté, de se réendetter encore pour injecter de l'argent. Oui, mais il faut faire attention. Ce n'est pas seulement parce qu'on est endetté qui est le problème. C'est que les taux d'impôt sont les plus faibles qu'on a connus depuis 50 ans. La baisse des impôts au Canada, aux États-Unis, en Europe, pour les plus riches, fait que le niveau d'impôt est très faible. C'est ça, si c'est ça. Si on veut redistribuer la richesse, Monsieur il faut augmenter les impôts de ceux qui sont capables d'en payer et de faire des programmes sociaux, des programmes de développement avec ces revenus supplémentaires. Actuellement, on baisse les impôts, les gouvernements font des déficits, puis on dit on va couper les programmes. Hein? On va mettre des frais de scolarité, par exemple. Comme si c'était la seule solution. Oui. On va couper des programmes et puis... alors qu'il faudrait faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'un certain nombre de riches, de milliardaires américains qui ont quand même certains ont une certaine conscience sociale, se disent c'est inadmissible que mon taux d'impôt soit plus faible que celui de ma secrétaire. Monsieur, qui gagne 25 000 $ par année puis qui est plus imposé que moi. Oui. Puis moi, je gagne 180 millions par année. Oui, il faudrait penser à ça avant que la Chine nous fasse un plan Marshall puis que vous essayiez de nous sauver. Monsieur Lee, mais la Chine, ils ont des problèmes là aussi parce que c'est une parenthèse importante parce que la Chine, si l'Europe et l'Amérique du Nord... tombent en récession, eux, ils perdent leurs clients. Mais c'est pour ça qu'ils ont intérêt à essayer de sauver le... L'Europe, parce que c'est simple. S'il y a une récession en Europe puis en Amérique du Nord, ils exportent plus, le chômage augmente chez eux, et en Chine, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas de pension de vieillesse, il n'y a pas d'assurance maladie. Hein? Mmh. Et ça va être la révolte. Monsieur Eli, écoutez, malheureusement, le temps file à grande vitesse. Oui, je sais. Moi, j'en aurais parlé pendant des heures, mais c'est ça. Avec plaisir, si vous êtes disponible, c'est tout, ça sera un plaisir. On prend un rendez-vous. D'accord. Alors, Monsieur Eli, Bernard Eli, professeur d'économie à l'Université du Québec à Montréal, qui était au bout du fil, qui nous expliquait, écoute, on a débordé de la zone euro maintenant, on a parlé de toutes sortes de choses, l'interventionnisme d'État, etc. Mais c'est la même chose, tout ça, hein? Oui, c'est le même phénomène qui se répète un peu partout dans le monde et qui fait en sorte que l'individu en bout de ligne, ceux justement qui réclament la grande liberté individuelle se retrouvent biaisés justement parce que ces grandes les valeurs qu'ils défendent se sont retournées contre eux. Oui, dans une société, il faut être solidaire minimalement. Il faut laisser les gens s'exprimer peut-être, il faut laisser les individus s'exprimer, vivre, mais il faut d'abord, avant tout, être solidaire entre soi. Parce que l'être humain seul... dans ça n'existe pas. C'est ça, voilà. Et voilà. Alors, Monsieur Eli, un grand merci. Écoutez, on vous retourne à vos occupations. C'était fascinant comme discours. Merci beaucoup encore. Bon, ben à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Alors, Bernard Eli de l'UQAM, professeur d'économie. Voilà, ça prouve que la situation nécessite qu'on en parle et qui est d'être démystifié. Oui, il faut que ce soit démystifié. Puis surtout que, comme il disait, on parle beaucoup de tu sais, les gens font des conclusions très hâtives. Ils disent, on est endetté, donc il faut couper dans les programmes sociaux. Mais il y a plein d'autres choses à penser. Il y a le niveau de taxe, il y a qui on taxe, comment on le fait, etc. Ça, c'est des questions qu'il faut, il faut comprendre toutes ces notions-là avant de pouvoir tirer une conclusion. Alors, pause peu, mesdames et messieurs. Après ça, on retourne, on fait un petit bloc musical. Québécois, Carquois et les Cowboys fringants. Premier acte en collaboration avec Sushi Poisson Mort présente Entre vous et moi, il n'y a qu'un mur. Un espace vide, désaffecté, où les corps et les idées se fracassent. Des existences en quête perte de sens, sur fond d'émotions stroboscope, étreintes vides. À l'image de notre société, ce sera un spectacle exigeant et surchargé. Entre vous et moi, il n'y a qu'un mur. Texte et mise en scène de Jocelyn Pelletier. Du 18 au 29 octobre, à Premier Acte. Une collaboration d'Hydro-Québec, de la Caisse populaire de Québec, d'Intermarché Saint-Roch, du Sacrilège et de CKRL. Ce spectacle sera... est une révolte. À ne pas manquer en octobre à l'Ampli de Québec, Autobooking et les associations professionnelles et sociétés de gestion collective en droit d'auteur avec Sébastien Croteau. Atelier de rythmique avec le docteur Pierre Tanguay. Rencontre autour de l'écriture de textes de chansons avec Boris. Harmonie vocale avec Claude Vallière. Et côté séries, rencontres et conférences, l'identité artistique avec Hubert Mention. Aussi, en collaboration avec le Festival de jazz de Québec, une rencontre inédite avec le contrebassiste Normand Guilbeault. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur ampli-de-québec.qc.ca 418-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1. Le Largo, en collaboration avec la Banque TD, est fier de présenter le 5e Festival de jazz de Québec du 20 au 30 octobre. 10 jours de jazz de tous horizons sur le thème du saxophone. 125 spectacles avec des artistes de renommée internationale dont Roberta Gambarini, Esperanza Spalding, Joe Lavano, Diane Tell, Alain Caron, Maceo Parker et Dorothée Berryman. Près de 30 lieux prestigieux et chaleureux accueilleront les spectacles du festival. Vivez au rythme de la note bleue en suivant le circuit jazz à travers la ville de Québec. Toute la programmation sur jazzaquebec.ca. Elle est douce et coule bien en bouche. Une explosion d'agrumes qui me monte au cerveau. Elle vient seulement en grand format. Elle me donne des frissons. Avec elle, je deviens chaude. La nouvelle bière, la CKRL. Une autre façon de déguster votre radio préférée, le 89.1. Cette bière des maîtres brasseurs de la Barberie est seulement disponible à l'accommodation GD, 500 3e avenue. Mais vous pouvez aussi la déguster au bar Le Sacrilège et au bal du Lézard. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au Théâtre de la Bordée, 315 rue Saint-Joseph-Est, à la librairie Pantoute Vieux-Québec, 1100 rue Saint-Jean et Saint-Roch 286 rue Saint-Joseph-Est, et au Centre de yoga de Québec, 1355 3e avenue Limoilou. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être pire. Je t'en Thank you. apprenant que dans le Nord, il se passe de poids pour catholique. Nos forêts sont mises à mort, ça joue dans l'opinion publique. De Stein et ça sent dans l'oubli. L'histoire est morte et enterrée dans le parc La Vérendrye. Il continue à commenter, c'est son problème de ma patrie. C'est qu'il y a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. C'est les riches et les mentirs, c'est qu'on est peu des seniors. L'album Break syndical, c'était les Cowboys fringants et la chanson En Berne. On est en studio en compagnie de Mme Andréanne Roy-Ross, qui nous vient de l'organisme Solidarité Famille du Berger-les-Saules. Et en ligne, nous avons Mme Colette Lavoie, qui est coordonnatrice communautaire du Centre de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Bonjour, mesdames. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, écoutez, mesdames, on a fait appel à vous aujourd'hui, en fait, parce que dans le Devoir du week-end 8 et 9 octobre dernier, la journaliste Isabelle Porter a fait un extraordinaire reportage, portrait, sur ce qu'on appelle maintenant la défavorisation des banlieues, tant à Montréal qu'à Québec. Et vous étiez cité, en fait, le C3S et Solidarité Famille étaient cités dans cet article-là. Donc, vous êtes ici avec nous cet après-midi pour, justement, on vient de parler de tout ce qui est de l'effet de la libéralisation des marchés. Donc, il y a une augmentation de la pauvreté qui est observable dans les villes. Donc, d'abord, ma première question, rapidement, va s'adresser à Mme Lavoie. C'est une étude qui a été commandée par votre organisme. Et en quoi un organisme de santé veut s'intéresse justement à ce phénomène qui est la défavorisation? Alors, enfin, le Centre de santé et de services sociaux de la Ville Capitale produit pour la deuxième fois ce genre d'analyse. On avait, en 2008, édité un premier portrait de défavorisation. Et les années auparavant, déjà, on colligeait des données sur la pauvreté, la scolarisation, etc., sur notre territoire. Donc, c'est pas nouveau pour nous, comme établissement, de documenter cette question-là. Et c'est le deuxième portrait de défavorisation qu'on fait. Pourquoi on produit un portrait de défavorisation? Parce que c'est clair et c'est connu et reconnu de plus en plus que ce qui détermine l'état de santé d'une population, c'est d'abord et avant tout les conditions socio-économiques, l'environnement social, donc le revenu, le logement, l'environnement, le transport, le réseau social, c'est ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas que l'hérédité ou les habitudes de vie qui influencent la santé. OK, d'accord, très bien. Puis c'est même la même chose au niveau des conditions sociales également. Il y a un beau préjugé qui circule. On parle des BS de père en fils, là, c'est pas nécessairement ce qu'on peut observer. Il y a toutes sortes de facteurs qui entourent tout ça au niveau des conditions de vie, etc. C'est bien ça. Effectivement, il y a encore des données très récentes qui démontrent que c'est l'environnement social, les conditions de vie, l'environnement socio-économique qui détermine en grande partie l'état de santé et que quand on est et grandit dans des environnements où on manque de ressources, ça peut affecter notre santé toute notre vie. Et même si on développe de très bonnes habitudes de vie à travers tout ça, on va quand même maintenir un état de santé. Regardez juste sur notre territoire, nous, par exemple, concrètement, on a une espérance de vie en bonne santé qui est de 8 ans inférieure dans les quartiers de la Basse-Ville et de Vanier comparativement à Sillery-Sainte-Foy, où on a une espérance de vie de 8 ans supérieure. Alors, ces inégalités-là de santé, on les observe et on les voit. C'est la même chose pour les causes de mortalité, les maladies pulmonaires, les cancers, etc. On a des données qui sont vraiment très éclairantes sur cette question-là. Très bien. Andréanne, de votre côté, vous travaillez sur le terrain avec Solidarité Famille. Un bref portrait de votre organisme, s'il vous plaît. Oui, Solidarité Famille œuvre avec le milieu, les partenaires, pour favoriser la solidarité, la responsabilisation, mais aussi diminuer l'impact de la pauvreté et de l'exclusion sociale chez les personnes seules et les familles du Berger-les-Saules. Ça, ça se traduit par plusieurs activités, comme par exemple un jardin communautaire où on a 56 parcelles. On a 8 groupes de cuisine créative ainsi que des ateliers de cuisine. On a aussi un groupe d'achat en gros. Qui est le premier dans la région depuis 1997. Et on a aussi une friperie, les Trouvailles du Père-Lelièvre, où 12 bénévoles se relaient pour le tri, la comptabilité, la vente, etc. Donc, je suis la directrice, on a une coordonnatrice, mais c'est près de 45 bénévoles qui œuvrent dans chacune des activités, puis on va rejoindre jusqu'à à peu près 350 personnes par année là, qu'on aide concrètement avec nos activités. Très bien. Au niveau du portrait, le visage que la pauvreté peut avoir, on s'attend tous à ce que ça se passe. Vous en avez parlé, Madame Lavoie, il y a quelques instants. Le centre-ville, évidemment, est reconnu. Les quartiers Saint-Roch, Saint-Sauveur, Ville-Vanier, c'est reconnu comme étant beaucoup plus défavorisé. Mais on observe aussi, depuis quelques années, une augmentation de la pauvreté dans les banlieues. Donc, c'est pas les personnes défavorisées. On pourrait penser qu'avec la revitalisation de Saint-Roch, par exemple, c'est les défavorisés de Saint-Roch, justement, qui ont quitté les quartiers centraux pour aller en direction des banlieues, mais c'est pas le cas. Est-ce que vous pourriez d'abord, Mme Lavoie, nous expliquer un peu c'est quoi le phénomène? Puis ensuite, on va revenir avec Mme Ross pour savoir comment sur le terrain ça se manifeste. Alors, Mme Lavoie, s'il vous plaît. En effet, nous, quand on a obtenu, c'est l'Institut national de santé publique et la direction de la santé publique de la capitale nationale qui nous ont fourni nos cartes de défavorisation et les données qu'on a analysées. On avait hâte de voir si, par exemple, justement, dans des quartiers comme Saint-Roch, on aurait vu une amélioration notable. Et franchement, nous, les données qu'on utilise sont celles de 2006 et on peut pas conclure qu'il y a une amélioration notable ou une diminution de la défavorisation. Il y a quelques petites zones où on peut voir une certaine amélioration, mais c'est tellement marginal que globalement, les quartiers centraux, Saint-Roch, Vanier, Limoilou, les quartiers de la Basse-Ville, Saint-Sauveur, sont de loin les plus défavorisés de notre territoire. Évidemment, nous, on est un C3S, il y en a 4 dans la région, il y a les territoires des autres aussi, mais sur le nôtre, il n'y a pas de diminution de la défavorisation dans Québec Centre. Par contre, effectivement, Mme Ross vient de parler du Berger-les-Saules, c'est le secteur où on a vraiment observé une progression de la défavorisation. Et c'est des secteurs, c'est un arrondissement, là, les Rivières notamment, où on a beaucoup d'écart, donc on a un bon pourcentage, un bon tiers de la population qui est faiblement défavorisée, puis un autre tiers et plus qui est fortement défavorisé. Donc, on voit les écarts se creuser. C'est la même chose dans Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. On a des quartiers, par exemple, comme Cap-Rouge, qui est un des quartiers les plus favorisés de notre territoire, va côtoyer des quartiers où on voit une progression de la défavorisation. Il y a des secteurs où, à 1 kilomètre ou 2 de distance, on a des écarts, par exemple, dans le revenu moyen de 12 000 $ par année. Je pense au quartier Plateau, par exemple. Donc, dans Sainte-Foy-Sillery, il y a une zone qu'on appelle, nous, le cœur de Sainte-Foy, là, qui est aux confins de quelques quartiers qui est inquiétante. Puis dans du Berger-les-Saules, c'est la même chose. On a vu vraiment une progression de la défavorisation depuis 2001. Puis, Mme Ross, je lisais dans l'article aussi que le logement est une question très importante dans votre secteur. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu en quoi ça l'est et s'il y a d'autres facteurs, d'autres phénomènes que vous observez justement pour cette défavorisation de votre quartier? Bien, en fait, si on suit aux statistiques de 2001, il y avait des zones de pauvreté dans du Berger-les-Saules, notamment le du Berger-Sud et le secteur de Dubuisson. Et avec le portrait fait sur les statistiques de 2006 par le C3S, donc on reconnaît que ces zones-là sont de plus en plus défavorisées par rapport aux statistiques de 2001. Moi, j'ai des clients chez nous qui vont payer jusqu'à 75% de leur revenu pour consacrer au logement, ce qui reste pas beaucoup de revenus pour le reste. Donc, il n'y a pas beaucoup de logements sociaux, il n'y a pas beaucoup de coopératives et les coûts des logements augmentent de manière faramineuse, que ce soit par des propriétaires qui font des rénovations puis qui augmentent les coûts ou il y a aussi la diminution de logements abordables. Donc, ça se traduit chez nous par, évidemment, une hausse de nos fréquentations de nos services, par une augmentation des achats à la friperie, par une augmentation de demande de l'eau dans notre jardin communautaire. Comme par exemple, on parle de l'augmentation de la pauvreté. Il est possible d'avoir des bons alimentaires à Duberger-les-Saules. Et dans le secteur de Duberger, c'est la Saint-Vincent-de-Paul qui les octroie. Et puis, en 2010, de janvier à août, ils ont donné 6 400 $ en bons alimentaires au GA du coin, alors que pour la même période, en 2011, ils ont donné 10 600. Donc, augmentation de près de 4 400. Et dans le secteur, les Saules, ils sont maintenant rendus à 8 000 entre janvier et août pour les bons alimentaires. Donc, par rapport à l'année passée, c'est une hausse. Puis est-ce que cette augmentation-là est due au fait que plus de gens viennent faire des demandes ou que plus d'argent est disponible, tout simplement? Qu'il y a plus de gens qui font des demandes. La pauvreté dans Duberger-les-Saules est moins visible. Et on ne peut pas nécessairement deviner qu'il y a des pauvres qui... C'est sûr qu'il y a l'habillement. Tu sais, c'est ça, il y a des choses qui portent à croire que les personnes peuvent être pauvres, mais quelqu'un qui ne connaît pas le quartier va passer là, ils vont dire « Ah, c'est un secteur de bloc. » La pauvreté est beaucoup moins visible, je dirais, qu'au centre-ville, parce que... Il n'y a pas d'itinérance, entre autres. Il n'y a pas de... Il y a très, très, très, très peu d'itinérance dans le secteur, peut-être dans les parcs l'été, etc. Mais en banlieue, dans le fond... De première couronne, comme on appelle, il y a peu d'organismes, il y a peu de ressources pour les aider. Alors qu'au centre-ville, il y a une culture communautaire, il y a une culture d'entraide qui est déjà là, puis il y a un nombre d'organismes communautaires assez impressionnant dans Saint-Roch, dans Limoilou surtout. Alors que dans Duberger, les organismes communautaires, il y en a quatre, mais aussi des organismes caritatifs qui sont très, très, très impliqués, là, notamment Partage Chrétien, les Saules et la Saint-Vincent-de-Paul. Puis c'est l'absence aussi de ressources régionales dans ces secteurs-là fait en sorte que les ressources sont sollicitées, que, évidemment, le nombre de demandes augmente. Puis, puisque non plus on n'a pas de ressources spécialisées dans le secteur, les demandes très, très pointues, très, très spécifiques sont en hausse. Et puis, moi, à deux employés, on ne peut pas répondre à ce nombre de demandes incroyables. Alors que, exemple, que ce soit des personnes ayant des troubles de personnalité limite ou des handicaps, ou etc., c'est des ressources qu'on n'a pas dans notre milieu, puis c'est des choses auxquelles nous, on ne peut pas répondre nécessairement. Alors, mesdames, justement, on parlait de ces milieux, de la première couronne. Donc, si je comprends bien, la première couronne, on parle de Sainte-Foy, Sillery, Duberger, tout ce qui n'est pas considéré comme l'arrondissement de la cité du Moilou, c'est bien ça? Oui, en fait, les anciennes banlieues de la ville de Québec. Très bien. Et maintenant, on parlait de Mme Ross, vous parliez d'organismes pas disponibles, de ressources très, très, très rares. C'est quoi, je lisais aussi dans l'article, au niveau des transports en commun, entre autres, ça causait des problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes, là, au jour le jour, le quotidien d'une personne défavorisée dans le secteur des banlieues, à quoi ça peut ressembler? C'est quoi les difficultés qu'elle rencontre? On a parlé du logement, on a parlé, j'imagine aussi que les préjugés, l'image qu'on peut avoir de ces lieux-là doit leur nuire également. Alors, ça se manifeste comment, Madame Lavoie? Ben, écoutez, je pense que Mme Ross a dit des choses très, très intéressantes. Bon, la question du logement est centrale. Dans les banlieues, les locataires ont des taux d'effort au loyer très importants. Ça veut dire la proportion de gens qui accordent plus de 30 % de son revenu pour se loger est très forte. Ça détermine tout le budget disponible pour s'alimenter, se vêtir, se véhiculer et les loisirs s'il en reste. Donc, c'est évident. Et comme historiquement, on n'a pas développé de logement social dans les anciennes banlieues de la ville de Québec, alors il y a pas cette ressource pour aider les personnes à faible revenu qui sont souvent aussi des petits travailleurs au salaire minimum ou des personnes à cité sociale, mais pas uniquement des personnes à cité sociale. Donc, des personnes à faible revenu à rencontrer l'ensemble de leurs obligations. Donc, ça crée des problématiques qui font en sorte, qui expliquent un peu les phénomènes qui sont décrits dans Duberger-les-Saules. Mais en Sainte-Foy, je sais aussi, par exemple, que les Saint-Vincent-de-Paul sont envahis, et entre autres, beaucoup de personnes immigrantes dans certains secteurs. Donc, Le quotidien, dans ce temps-là, il est difficile, il crée beaucoup de stress. Et puis, ça fait que des fois, il y a des mouvements aussi de population, des gens qui reviennent dans par exemple, dans les gros HLM du centre-ville parce qu'ils n'ont pas trouvé dans leur secteur de logement abordable en lien avec leurs revenus. Alors ça aussi c'est vrai que on peut il y a beaucoup plus de ressources au centre-ville, il y a plus de logements sociaux, mais il y a des personnes qui voudraient des fois par exemple qui sont issues de la banlieue, qui voudraient y rester, mais parce que justement elles peuvent pas se véhiculer en transport en commun parce que le transport est mal desservi ou qu'elles ont une passe d'autobus, c'est un coût, c'est une dépense inaccessible pour plein de gens à 75 $ pour un adulte. Il y a beaucoup de gens qui ne s'achètent pas ça. Donc, c'est difficile de se déplacer. Tout est passé pour les voitures en banlieue. Donc, les gens, finalement, se résignent à demeurer au centre-ville parce que les ressources sont là, peuvent se déplacer à pied, ils peuvent avoir accès à du sport et à de l'entraide. Cette culture-là, elle est à développer dans les banlieues et... tranquillement, il y a des démarches, comme dans du Berger-les-Saules. Il y en a une qui s'amorce dans Sainte-Foy, c'est les Caprouges, pour justement sensibiliser d'abord les acteurs du milieu au fait que, oui, il y a de la défavorisation matérielle, de la défavorisation sociale aussi, et donc il faut mettre en place des mesures de soutien, du logement social, des ressources communautaires. Il faut supporter les gens dans leurs activités quotidiennes. Ouais, puis aussi mettre sur pied une espèce de culture communautaire, comme Mme Roy-Ross disait, qu'il y en avait une au centre-ville. Mais j'imagine, comme vous, que votre organisme participe à développer un peu cette culture-là dans du Berger-les-Saules. Est-ce que je me trompe? Non, vous vous trompez pas. D'ailleurs, dans une démarche de lutte à la pauvreté, on a ce samedi des forums citoyens qui vont avoir lieu au centre communautaire de Duberger le 22 octobre de 9h30. Donc, un portrait a été fait par rapport à tous ces déterminants de la santé que Mme Lavoie a mentionné. Et puis, cette journée va servir à valider les données auprès des citoyens, à savoir si c'est des données concrètes. Est-ce qu'il faut valider? Est-ce qu'il faut bonifier? Quelles données? Les données? Les données du portrait par rapport à Duberger-les-Saules, dans le fond. Depuis un an, la table de concertation Duberger-les-Saules travaille à créer un portrait par rapport aux revenus, à l'emploi, à l'éducation, à la sécurité alimentaire, etc. Dans Duberger-les-Saules. Oui. OK. Puis là, donc, vous allez demander aux citoyens qui s'intéressent à ça, est-ce que vous croyez que ça a du bon sens, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? On n'est pas encore dans les moyens, on n'est pas encore dans le plan d'action. On commence par valider si les données sont vraies, à bonifier le portrait. Et par la suite, là, au printemps, devrait s'entamer une démarche de plan d'action, de diagnostic de la situation, dans le but de mener des actions concrètes, là. Madame Ross, le visage de cette pauvreté-là qui augmente, est-ce que le vieillissement de la population, on a parlé d'immigration tout à l'heure, est-ce que ça, c'est des facteurs qui découlent directement, qui contribuent à ça, ou vraiment ça a un autre visage également? Bien, c'est sûr qu'il y a le vieillissement de la population, les coûts de la vie augmentent, mais les revenus, eux, augmentent très, très, très, très peu. C'est sûr qu'on voit aussi un vieillissement de la pauvreté. J'ai beaucoup de personnes là, de 50 ans et plus là, au sein de mes services, mais c'est eux autres aussi qui sont impliqués bénévolement. C'est ceux qui vont faire rouler les activités, mais aussi qui vont en bénéficier. Mais la pauvreté s'illustre par diverses problématiques. Là. Au quotidien, là, encore ce matin, on avait une jeune adulte avec sa petite qui devait venir chercher sa boîte de moisson Québec, et puis... C'est en poussette, là, la petite dans les bras, la boîte de Moisson Québec dans la poussette qu'elle s'en va chez elle. Et puis une autre femme seule revient un peu plus tard dans l'après-midi avec cette dame-là qui a une poussette. Et c'est elle qui amène la petite dans ses bras et on va porter l'autre boîte de Moisson Québec à l'autre personne. Avec la poussette. Avec la poussette. C'est une entraide... une solidarité qui se tisse à travers nos activités, qui se crée un cercle social et aussi un réseau d'entraide. Mais, tu sais, chercher une poussette pour venir chercher les denrées de Moisson Québec, c'est... Ça a un visage assez impressionnant. Mesdames, rapidement, maintenant, il y a une situation qui qui est nouvelle, en fait. C'est la toute première fois que j'entendais parler de ça. Je pense pas que la majorité des gens de Québec soient au courant de cette défavorisation-là des banlieues. De chacun de votre côté, est-ce que vous avez, selon vous, une stratégie à déployer, des solutions à adopter là, dans un très court délai, question de freiner d'abord aider les gens qui sont déjà dans cette situation-là et de freiner le phénomène, selon vous, ce serait possible de faire, soit de la part de la ville ou des organismes, ou en tout cas, c'est quoi les solutions que vous entrevoyez pour les prochaines, pour un avenir proche? Écoutez, Mme Ross a parlé des démarches en cours autant dans la Québec Centre où, en passant, on n'a pas amélioré la situation, donc on doit encore s'en préoccuper. Mais autant dans les banlieues où la défavorisation progresse, il va falloir d'abord qu'il y ait une concertation du milieu, de l'ensemble des acteurs de tous les secteurs, la santé, l'emploi, l'éducation, le municipal, les organismes communautaires et les citoyens. Et je pense que c'est une condition de base, donc sensibiliser, se concerter, amener les personnes concernées à définir aussi leurs besoins et à s'impliquer dans les solutions. Je pense qu'il faut avoir une approche où, dans laquelle on travaille avec les gens et les solutions vont devoir améliorer les conditions de vie de base, donc les réseaux sociaux d'entraide, le logement, les revenus. Donc, c'est sûr qu'il y a localement, il y a des solutions qui sont à notre portée, puis il y a d'autres solutions qui sont à d'autres niveaux, mais c'est clair là que il y a une démarche collective à mener là-dessus. Et aussi, je pense, une dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que dans les banlieues où les personnes ont dit, bon, la défavorisation est peut-être moins visible, mais demeure que toutes les personnes défavorisées, et ça, c'était corroboré par des personnes qui ont participé à des groupes de discussion récemment organisés par la Direction de santé publique, se disent victimes de préjugés, de mise à l'écart, d'exclusion. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel on doit s'attaquer. Et aussi, utopiquement, ça prendrait une augmentation du financement de base des organismes déjà sur place, en créer d'autres pour répondre aux besoins, des locaux adéquats et disponibles à coût abordable et dans un meilleur des mondes pour une réelle lutte à la pauvreté, que tout le monde aille un meilleur revenu afin d'améliorer ses conditions de vie de base. Je pense que c'est pour ça qu'Occupons Québec descend dans les rues. Écoutez, ouais. Mesdames, merci beaucoup, c'est ça, très intéressant. Madame Lavoie, vous devez nous quitter, je pense. Voilà, et puis nous, on va revenir peut-être avec Madame Ross, qui va rester, est-ce que vous êtes disponible pour demeurer avec nous encore un petit peu après la pause? Ah oui, oui. Très bien. Alors nous, on doit faire une pause présentement. Madame Lavoie, merci beaucoup de votre participation. Vous nous avez apporté un bel éclairage sur la situation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, au revoir à une prochaine. Puis, en dernière partie d'émission aussi, on va revenir rapidement sur ce que M. Ely nous a expliqué, faire une entreprise de vulgarisation supplémentaire pour bien retenir tout ce qu'il nous a expliqué. Effectivement. Mesdames, messieurs, vous êtes sur la fausse patte. Je suis en compagnie de Catherine Dorion et de Andréane Ross de Solidarité Famille du Berger Les Saules, Christian Saint-Pierre. Voilà, on parle aujourd'hui de néolibéralisme décadent et de d'inégalité, lutte, d'inégalité et de défavorisation. Et de lutte à la pauvreté. On fait une toute petite pause, on va y aller avec un bloc musical. Daniel Bélanger, Richard Desjardins, et on revient avec la conclusion de l'émission. Au moment où on se parle, que ce soit sur la scène politique ou sur la scène économique, dans le monde du sport, au cœur de la communauté artistique, ou encore à l'international, tout autour de nous, les nouvelles font couler beaucoup d'encre. Le rôle de mon journal? Faire le tri parmi tout ce battage médiatique pour vous offrir un contenu culturel de qualité et une analyse pertinente de l'actualité. Pour y voir plus clair, je choisis Le Devoir. En octobre, c'est le mois du piéton. La noirceur arrivant plus tôt, les piétons sont moins visibles. Aussi, le froid, le vent et la pluie incitent parfois les piétons à se dépêcher et à traverser n'importe où. Alors, conducteurs, soyez vigilants. Et piétons, traversez toujours aux intersections. D'un côté comme de l'autre, que vous soyez conducteur ou piéton, établissez un contact visuel pour éviter tout danger. C'est la responsabilité de tous. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.

place de qui m'en veut le cordon du Catherine à dans le chien. Ça me prend une étiquette, quelque chose. Ok, pompier, ça fait que suce ma hausse. Down, down, centre vide, l'espoir est une maladie. Le docteur avale de faux papiers, il dit je te paye une ride au paradis. Allez au ciel, je suis un peu sceptique. Je m'en vais aller là quand j'aurai su que c'est que le bon Dieu y a contre l'Afrique. Bon, mettre un homme, bon, mettre un homme là-dessus. Tu me dis qu'est-ce qui est devenu? Pour moi, il s'est fait manger par la souffleuse ou par le gars de l'autre bord de la rue. Toute cette affaire est nébuleuse. On mette un homme là-dessus. S'amuser avec son péteux. On a essayé par tous les trous, y'a rien à faire, sont trop blasés. On va essayer le tout pour le tout. On va l'aller sodomiser. Ils se pensent couverts par l'assurance, mais entre nous autres, ils vont être déçus. Y'a la pompette de jouissance. On va mettre un homme là-dessus. Comptons le jour, comptons la nuit. Il dit je frappe ma femme et je frappe mon char. J'aime mon pays, mon voisin, je l'ai. Je l'écoute en disant Richard, une chance la drogue te sauve la vie. C'est-tu pour ça que les gens s'honnêtent, qui se livrent la loi, le nez dans le cul, ils rentrent dedans pour disparaître. Richard Jardin tiré de son album Live au Club Soda, m'en mettre un homme là-dessus. Quel poète! Je suis-tu un homme libre et ben un bon perdu? Avec ma face de game over. Le cordon du cœur traînait dans Slotch. OK. On est de retour à l'antenne de CKRL 89.1, l'émission La Fausse Patte. Christian Saint-Pierre aux commandes de tout ça. Et je suis accompagné toujours de Catherine Dorion, ma complice de tout le temps. Et notre invitée aujourd'hui, la dernière et non la moindre, mademoiselle Andréane Ross de l'organisme Solidarité Famille du Berger-les-Saules. On parle de lutte à la pauvreté et de ce phénomène qu'on appelle la défavorisation des banlieues de Québec, qui était le sujet d'un article du Devoir du 8 octobre dernier de Mme Isabelle Porter, article intitulé, dossier intitulé « L'autre visage des banlieues ». Mme Ross? Oui? Si je vous donne, mettons, là, 2 minutes là, encore pour passer un message à la population de Québec, aux auditeurs qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter sur votre travail, sur la situation qui se passe, etc.? Voilà, un cri du cœur à lancer. C'est sûr que la pauvreté entraîne souvent des préjugés, entraîne souvent des images qu'on se fait, mais je voudrais pas dire qu'il y a un bon côté à ça aussi, mais le fait de vivre ça au quotidien, ça te permet de doter d'outils, de te créer des réseaux. Oui, par choix, ben pas par choix, mais par obligation. Par nécessité. Hein? Oui, ouais, par nécessité, mais je me rappelle d'une femme qui avait besoin de se nourrir, tout ça, qui est partie pas aux cuisines créatives, qui s'est bâtie un réseau social, qui finalement est devenu bénévole à la friperie, qui encore a grossi son cercle d'amis. Et puis, la friperie, comment ça fonctionne? C'est comme toutes les bénévoles forment un grand comité et c'est elles, ensemble, qui prennent les décisions importantes. Et puis, elle n'osait pas trop s'ouvrir, elle n'osait pas trop s'exprimer. Puis, en lui donnant la prise de parole, tout ça, ben, elle a appris à s'exprimer, à s'ouvrir aux autres, puis à donner son opinion. Puis, cette femme, aujourd'hui, elle a une belle assurance, elle a une belle ouverture aux autres. Puis, c'est par choix et par conviction qu'elle a réussi à se créer ça, tu sais. Puis, ça amène beaucoup de choses comme ça, un réseau d'entraide, une solidarité. Puis, ça non plus, faut pas passer ce côté-là sous silence. Donc, finalement, tu sais, on entend ça souvent, hein, c'est les gens, on dirait qu'ils se calment la conscience en disant ça. S'ils sont pauvres, c'est parce que souvent, ils travaillent pas, ils sont désorganisés, ils veulent pas travailler, ils sont même paresseux. Donc, ce que vous nous dites présentement, Mme Ross, si je comprends bien, c'est que les gens, finalement, travaillent pour s'en sortir, se débattent. Des fois, ils sont victimes de circonstances, tout simplement, et qui sont parfois au-delà de leur force, en fait, de leur... Ben oui, des fois, sont victimes un peu de leur réalité. T'es pas fini à secondaire 5 parce que t'as un trouble de personnalité, parce que t'as TDAH, que dans le temps, c'était pas diagnostiqué, que t'as fini sur le bien-être social, mais tu t'impliques dans ta collectivité, tu peux faire 70 heures de bénévolat par semaine, ça sera jamais reconnu nulle part dans des CV par des futurs employeurs, mais tu t'impliques puis tu t'en sors. Ouais, c'est des fois des circonstances de la vie qui font qu'on se retrouve dans un cul-de-sac, puis au moment où on se rend compte qu'on est dans un cul-de-sac, s'il n'y a pas une petite avenue possible comme celle dont vous disiez qu'a profité la dame qui s'est sortie un peu d'elle-même puis qui s'est dégénée, ben on reste dans le cul-de-sac pas mal longtemps. Fait que... Oui, puis il y a aussi toute l'ampleur de la bureaucratie, entre guillemets, là, pour avoir accès à des coopératives. Il faut que tu remplisses 15-20 formulaires pour en avoir, tout ce qui est rempli. Et puis là-dedans, tu vas avoir des réponses dans 3, 4, 5 mois. Mais pendant ce temps-là, t'es mère monoparentale dans un 3,5. Mais écoute, la grossesse se continue. Puis à un moment donné, tu vas l'avoir ton enfant. Puis il va finir dans le 3,5. Puis tu vas avoir ta réponse un an plus tard. Mais durant ce temps-là, l'attente, les formulaires, tout ça, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, finalement, écoutez, l'appel à faire à tous, je pense, aux gens, c'est sortez de chez vous un petit peu, jetez un œil là-dessus. Je pense qu'il faut pas aller très, très loin dans n'importe quel organisme communautaire. Juste aller faire acte de présence et de voir comment le système s'organise, comment les gens mettent l'épaule à la roue, prennent des décisions également, font des efforts et tout ça pour pouvoir s'en sortir. Donc, il y aurait une leçon peut-être à tirer là-dessus de sortir de cette zone de confort dans laquelle qui nous enveloppe et qui finalement nous... Mais oui, exactement. Je veux dire, faut sortir un peu de son carcan. Faut pas penser que les personnes en situation de pauvreté restent sur leur divan rien faire. C'est complètement faux. Ils vont mettre en œuvre toutes sortes de stratégies pour s'en sortir, puis avec l'espoir de s'en sortir, et espérons pour eux qu'ils s'en sortent. Alors, Mme Ross, merci beaucoup de votre présence en studio aujourd'hui. En tout cas, bref, Catherine, on est rendu au moment du résumé de notre émission. Mesdames et messieurs, on va faire un tour rapide de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a d'abord parlé à nouveau d'Occupons Québec avec Ariane Gobeil, qui est une des porte-paroles du mouvement. Premier événement qui a eu lieu ce 15 octobre, samedi, à Place Diouville. Événement qui va déménager au Parc Saint-Roch, coin Charest et de la Couronne, si ma mémoire est bonne. Oui, exact, c'est ça. À côté de l'École nationale d'administration publique. Et l'organisation est en cours. Elle est à un niveau embryonnaire samedi dernier. On va voir comment ça évolue. Et voilà, on vous invite à juste aller jeter un œil. Si jamais vous êtes intrigué par le truc, ben, venez donc passer une petite heure avec nous au Parc Saint-Roch, question de voir ce qui se passe, parce que le mouvement, il n'est pas local. On parle pas, on parle pas juste de trucs isolés. On parle d'un truc mondial qui se déroule depuis les derniers mois, même depuis 2011 sera l'année de la mobilisation et de l'indignation au niveau mondial. Et... on pense qu'à Québec, on est tranquille, on est bien, mais c'est le contraire, on l'a appris aujourd'hui. Madame Lavoie, tout à l'heure, du Centre de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale nous en a parlé. Oui. Madame Ross témoigne de façon criante de ce qui se passe à côté de chez nous, hein, c'est arrivé près de chez vous. Oui. En fait, on voit qu'il y a, il y a de plus en plus de gens qui souffrent de pauvreté, mais c'est pas juste ça, c'est qu'en fait, tout le monde s'appauvrit. Comme disait D-Max, le premier qui est venu nous parler du mouvement Occupons Québec, la semaine passée, tout le monde voit son pouvoir d'achat diminuer, ne voit pas son salaire augmenter ou n'arrive pas à trouver un travail. Il y a énormément de diplômés qui cherchent, qui ne trouvent pas de travail. Finalement, c'est un peu tout le monde qui est touché. Donc, ceux qui étaient en bas de l'échelle le sont d'autant plus durement. Puis là, on voit très bien. Et voilà. M. Bernard Ely, économiste à l'Université du Québec à Montréal, il nous a parlé tout à l'heure. Il nous a tracé un portrait vraiment très exhaustif de ce qui se passe. Alors, moi, ce que j'ai compris de ça, Catherine, tu pourras compléter. Dis-moi ça, oui. Ouais, moi, ce que j'ai compris, là, c'est que finalement, les gouvernements, depuis les années 80, depuis une trentaine d'années, ont déréglementé plutôt le marché financier. C'est-à-dire qu'on fait confiance aux grandes entreprises, aux grands bonzes de l'industrie, de la technologie, de ce que vous voulez, en fait, de tout ce qui est aussi l'industrie pétrolifère. Bon, écoutez, Exxon Valdez, etc., c'est connu comme étant l'entreprise la plus rentable de l'histoire de l'humanité. Ben, on a déréglementé, le gouvernement, qui doit être un chien de garde, s'est retiré, croyant que les entreprises allaient justement s'y retirer. En fait, permis... déréglementer, en fait, c'est enlever des règlements. C'est enlever des lois. C'est faire que les entreprises aient plus de liberté. Ils fassent ce qu'ils veulent, en fait. Les entreprises prennent leur fric et en font ce qu'ils veulent. Ça a été aussi le libre-échange également sous Mulroney au Québec, au Canada. Mm-hmm. Moi, mon père a perdu son travail à cause de ça. Mm-hmm. Donc, et là, les grosses usines ferment et tout ça. Et c'est finalement, ces grandes entreprises-là, dont on a baissé les impôts, on leur a dit on va vous laisser plus d'argent dans le but de réinvestir et de créer de l'emploi. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que justement, c'est pas ça qui arrive. C'est que dans cette sacro-sainte peur de l'effondrement des marchés boursiers, tout le monde reste sur ses positions. Donc, les plus riches gardent leur argent. Ça marche, même celle qui est octroyée par les gouvernements. Au lieu de la réinvestir, ils la gardent pour eux et s'enrichissent. Donc, ce qui fait en sorte que, d'un côté, moi, en tant que petit garçon, petit homme de 33 ans de tous les jours, mon gouvernement a moins d'argent à investir dans les services publics qui sont extrêmement importants parce qu'il coupe les impôts des plus riches et au lieu d'investir, comme M. Élie nous l'a dit tout à l'heure, dans ces programmes-là, quand la prééquation arrive, on diminue les impôts des entreprises dans le but qu'ils réinvestissent. Mm. Mais là, le pouvoir d'achat diminue parce que les prix augmentent, le coût de la vie augmente. Moi, mes impôts sont toujours les mêmes, mais j'ai moins de produits et services de la part du gouvernement en échange. Et mon dollar, il vaut moins cher. Avec une pièce aujourd'hui, je peux acheter moins de produits qu'avant. Ouais. Donc, je me fais avoir des deux côtés. C'est bien ça? Ça ressemble à ça, tu as assez bien compris. En fait, t'es très intelligent, Christian. Mais donc là où on se trouve en ce moment, c'est au point de bascule où, comme c'est arrivé à d'autres moments depuis le début du 20e siècle, M. Ely parlait des années 30, après le crash de 29, parlait aussi des années 60, du mouvement des 68 heures, 1968, où on a critiqué pas une chose, mais tout le système et toutes ces manifestations. Là, le point où on est rendu, c'est le point de rupture où les gouvernements disent encore si les compagnies, si les entreprises, si le milieu financier va bien, garde son argent, l'économie va bien aller parce que ce milieu-là va créer des emplois, créer des jobs, investir, puis permettre que l'économie tienne debout. Et la population, elle, au contraire des gouvernements, n'y croit plus et se demande de deux choses l'une. Soit mon gouvernement est complètement dans les patates, puis qu'est-ce que tu fais, t'es donc ben débile, ou, coudon, avez-vous des intérêts là-dedans pour prendre des décisions aussi débiles? Exactement. Et là-dessus, Catherine, je me permets de rappeler aux gens qu'on a une page Facebook, La Fausse Patte. On a un groupe de discussion Facebook également. Vous nous recherchez, vous faites « j'aime » pour la page ou une demande d'accès au groupe de discussion, tout simplement. Ça nous fait un plaisir de vous accueillir dans notre giron. Sur la page Facebook, il y a le discours du sénateur Bernie Sanders, sénateur du Vermont aux États-Unis, qui se prétend et se dit socialiste, un des rares du Sénat, c'est-à-dire socialiste, qui trace un portrait en 13... Écoutez, si vous avez 13 minutes à investir dans votre semaine, je dirais dans votre vie, là, présentement, écoutez ce vidéo-là. Il est même sous-titré. Ah, c'est... Il est sous-titré en français. C'est théâtral. Ça s'écoute comme du bonbon. Il est sous-titré en français, oui, effectivement. La version que j'ai trouvée. Oui, puis il explique parfaitement bien, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qui, aux États-Unis, puis qui va nous toucher aussi, ou qui est déjà en train de nous toucher, qu'est-ce qui explique cette disparité entre le 1% de ceux qui décident tout et qui disposent de 25% de l'argent aux États-Unis et du reste du monde, le 99% qui, lui, subit les décisions de ce 1%-là. Et voilà. Donc, ce qui se passe, c'est ce 1%-là, présentement, qui décide au lieu qu'il y ait des faveurs du gouvernement. Ça se calcule en milliards, qui force la consommation. On l'a vu la semaine dernière avec Steve Jobs, puis on a parlé d'obsolescence programmée, qui va chercher encore plus d'argent chez le consommateur. Et qu'est-ce qu'il fait au lieu de la redistribuer pour relancer l'économie comme les gouvernements dont celui de Stephen Harper, prétendent, c'est qu'ils les gardent pour eux. Ils concentrent la richesse encore plus. Oui. Alors voilà, c'est ce qui se passe. Il y a aussi un autre petit vidéo, c'est l'entrevue à Tout le monde en parle, de Mathieu Roy, qui a réalisé une vidéo qui s'appelle un documentaire Survivre au progrès. Allez voir ça, c'est assez exhaustif aussi. Et je vous ai mis également sur cette fameuse page la bande-annonce de République d'Hugo Latulippe, qui a réuni 50 penseurs du Québec pour un Québec de demain. Qu'est-ce qu'on fait justement avec toutes ces valeurs, tout ce changement social qui s'œuvre au niveau mondial? Comment le Québec, lui, va s'adapter? Que doit-on faire, nous, avec tout ça? Ça conclut, je pense. Hein? On a fait pas mal le tour. T'as-tu autre chose à dire, Catherine? Ben, la première du film dont tu parles, d'Hugo Latulippe, dont le titre est... République, abécédaire d'un Québec nouveau, je pense. Ouais, 50 personnalités super intéressantes du Québec s'expriment sur que faire. Puis il paraît que c'est assez révolutionnaire comme discours, que ça fait vraiment du bien. La première, ça va être le 24 octobre. Googlez ça, puis vous allez tout savoir comment assister à ce film-là. C'est un peu notre refus global de notre génération. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup, Mme Ross, d'être passée. Merci beaucoup à Mme Lavoie. Merci à Audrey également d'être passée. Catherine, merci beaucoup de ta présence merci à chaque semaine. Merci à toi, Christian. Et on finit ça avec la chanson joyeuse. C'est une habitude ici à La Fausse Patte. Elle nous vient de Dédé Fortin. Elle est d'Adon. Ça, c'est-tu le bon lieu? Donne-moi une job. Et puis, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Fausse Patte, 15h30 mercredi à CKRL 89.1. Le Quartier de Lune vous présente trois spectacles qui vous en mettront plein les oreilles. Le 22 octobre, Jean Miller Blues Band. Le 29 octobre, Years Goes By vous offrira une soirée de rock des années 70. Et le 5 novembre, Angel Forest vient nous rendre...